Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 4. La phrase clé est... Tadaima. Me voilà. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Aujourd'hui, Anna arrive à son dortoir accompagnée de sa tutrice, Sakura. La responsable du dortoir vient leur souhaiter la bienvenue. En japonais, on l'appelle la mère du dortoir. C'est elle qui s'occupe des étudiants qui habitent dans le dortoir. Elle fait office de mère pour ces étudiants qui vivent loin de leurs parents. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 4. La phrase clé aujourd'hui est... Tadaima. Me voilà. Tadaima. Okaeri nasai. Konnichiwa. Anata mo ryūgakusei desu ka? Iie, watashi wa ryūgakusei dewa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Laissez-moi d'abord vous expliquer en quoi consiste ce sketch. Tadaima. C'est la phrase clé du jour. Anna a dit cela dès qu'elle a pénétré dans le dortoir par la porte principale, n'est-ce pas? Oui. Tadaima. Est une salutation que l'on utilise quand on arrive chez soi. Tadaima est la forme contractée d'une phrase qui signifie « je viens de rentrer à la maison ». On dit toujours cela quand on rentre à la maison. Oui, en effet. La mère du dortoir répond alors « Okaeri nasai ». Tu es de retour. C'est une formule utilisée pour accueillir les gens qui sont rentrés à la maison. Tadaima et « Okaeri nasai » s'utilisent ensemble. Il faut donc les apprendre en même temps. Tadaima. Okaeri nasai. Sakura salue ensuite la mère du dortoir. Konnichiwa. Bonjour. Cette formule est utilisée quand vous rencontrez quelqu'un durant la journée. La prononciation du N dans konnichiwa est difficile. Oui, dites konnichiwa selon un rythme en trois temps, en tapant des mains trois fois. Répétons ensemble, en tapant des mains. Konnichiwa. Konnichiwa. Enseignez-moi d'autres salutations. Bien sûr. Le matin, vous dites bonjour. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Et le soir, vous dites bonsoir. Konbanwa. Konbanwa. La mère du dortoir demande alors à Sakura. Anata mo ryūgakusei desu ka? Êtes-vous également une étudiante internationale? Anata signifie toi. Mo est une particule qui signifie aussi ou également. Ryūgakusei est un étudiant international ou un étudiant étranger. On prononce ryū dans ryūgakusei d'une manière similaire au son L, même si en français on l'épelle avec un R. Des est un mot poli qui conclut une phrase. Pour transformer une phrase avec des en question, vous placez la particule ka après des et vous prononcez la phrase en haussant l'intonation. Écoutons maintenant la réponse de Sakura. Iie, watashi wa ryūgakusei dewa arimasen. Non, je ne suis pas une étudiante internationale. Iie signifie non. Quand vous dites iie, vous prononcez le i en le prolongeant d'un temps. Iie, watashi signifie moi, je. Wa est la particule indiquant un sujet ou le marqueur du sujet. Ryūgakusei signifie une étudiante internationale. Dewa arimasen est la forme négative de des. Si Sakura est une étudiante internationale, que doit-elle répondre? Hai, watashi mo ryūgakusei desu. Oui, je suis également une étudiante internationale. Hai. Oui est une réponse affirmative à une question. Aussi, comme nous l'avons appris dans la leçon 2, on peut dire ce qui suit pour attirer l'attention. Watashi mo ryūgakusei desu signifie « je suis également étudiante internationale ». Pour répondre, on peut aussi dire « Hai, so desu. Oui, je le suis, oui, en effet. So signifie vrai dans ce cas. Sakura poursuit. 日本人の学生です。 Je suis une étudiante japonaise. Dans cette phrase, watashi wa, le sujet est omis parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Sakura a dit watashi wa juste avant la phrase. Cela paraît donc moins naturel de le dire ici. En japonais, si vous dites watashi wa, vous pouvez souvent paraître trop affirmé. Nihonjin signifie un japonais. No est une particule qui lie les substantifs. Gakusei signifie une étudiante. Des est un mot poli mis à la fin d'une phrase. Le substantif nihonjin qui vient avant no précise l'autre substantif, gakusei, une étudiante. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Sakura suit une formation pour les professeurs de japonais à son université. Son objectif est d'enseigner le japonais à l'étranger. La langue japonaise se dit nihongo. Nous ajoutons go. Langue après nihon, Japon. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 4. La phrase clé du jour est tadaima. Me voilà. Tadaima. Okaeri nasai. Konnichiwa. Anata mo ryugakusei desu ka? Iie, watashi wa ryugakusei dewa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris une phrase de forme négative. Watashi wa ryugakusei de wa arimasen. S'il vous plaît, enseignez-nous comment faire des phrases de forme négative. Nous allons demander à notre professeur. Watashi ga oshiemashou. Laissez-moi vous l'expliquer avec une phrase. Je suis japonais. Je se dit watashi et un japonais se dit nihonjin. Donc, je suis japonais se dit watashi wa nihonjin desu. Pour faire une phrase négative à partir d'une phrase se terminant par des, nous changeons des pour dewa arimasen. Donc, je ne suis pas japonais se dit watashi wa nihonjin dewa arimasen. Exerçons-nous à le dire. Je ne suis pas japonais. 私は日本人ではありません。 Dans cette phrase, si vous remplacez では par じゃ vous aurez l'air plus informel. Donc, je ne suis pas japonais 日本人ではありません devient 日本人じゃありません。 C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Les mots descriptifs des sons » qui vous permet de découvrir les onomatopées japonaises, c'est-à-dire des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Tout d'abord, écoutez ce son. C'est le son d'une personne qui ouvre une porte coulissante. Oui, en japonais, nous exprimons ce son de la façon suivante. Gara gara. Nous utilisons aussi gara gara pour décrire une chose qui s'écroule et tombe. Voici maintenant un mot pour exprimer le son d'une porte que l'on ferme. Batan. Une porte que l'on ferme, c'est batan. J'ai l'impression d'entendre déjà ce son. Pour ma part, je ferme les portes plus doucement. C'était notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Voici ceux que nous vous avons présentés aujourd'hui. Gara gara. Et batan. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique « Les tweets d'Anna ». Quand Sakura-san est entrée dans le dortoir et qu'elle a retiré ses chaussures, elle les a retournées et placées proprement dans le hall d'entrée. C'est ce que je ferai la prochaine fois que je rends visite à quelqu'un. Avez-vous apprécié la leçon 4? La phrase clé aujourd'hui était tadaima. Me voilà. La prochaine fois, Sakura et Anna discuteront dans la chambre d'Anna. Ne manquez pas notre prochaine leçon.